Alléluia. Amen. Donc, merci. Je veux saluer spécialement les frères qui ont pris le temps et l'effort de se vêtir en chicloth. Please stand to your feet. I want to honor you specially. Thank you so much. Merci, merci, merci. Vraiment, Olias, ça là, je ne sais pas. Amen. Oh, Yann, stand up. You've made an effort. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le soutien que vous êtes pour les femmes. Alléluia. Asseyez-vous. Pour le reste, bon. Ce n'est pas de votre faute parce qu'il y a beaucoup de sœurs qui n'ont pas fait l'effort non plus. Donc, amen. C'est une fois par année. Et c'est juste un moment de montrer notre, solidarity, la solidarité. Amen. Alléluia. Même juste la cravate, c'est beau. It's very nice. Glad, I don't know which one that one is. Alléluia, but you tried. Amen. Donc, nous célébrons nos mères ce matin. Nous célébrons leur existence. Même si tu ne t'entends pas très bien avec ta mère, tu lui dois quelque chose. Alléluia. Et je pense que c'est pas mauvais de célébrer les femmes, les mères, au moins une fois par année. Même si tu as oublié son anniversaire, on vous donne encore une opportunité de vous rappeler d'elle. Alléluia. Amen. Nous parlons de perdre, souffrir, sacrifier et mourir, n'est-ce pas? Et je pense qu'une personne dans notre vie qui connaît le mot sacrifice, c'est vraiment la maman, la mère. Amen. Et je veux juste continuer dans cet élan. Ok? Et je vais parler des mères ou des femmes. Alléluia. Spécifiquement des 7 entraves des femmes. Amen. Entraves de femmes. 7 obstacles des femmes. Alléluia. Les choses qui nous empêchent de vraiment se sacrifier pour le Seigneur. Se donner à fond pour le Seigneur. Amen. Combien savent qu'il y a beaucoup d'obstacles dans la vie d'un chrétien? Amen. Et ce matin, je vais vous dire que, à part les obstacles qui existent pour tout chrétien, les femmes ont encore des entraves ou des obstacles de plus, malheureusement. Amen. C'est ce qui rend la vie vraiment, vraiment dure et difficile pour beaucoup d'entre elles. Amen. Quand une femme veut se donner, elle se donne complètement. Amen. Quand une femme veut aimer, elle aime vraiment. Alléluia. Quand une femme veut se sacrifier, elle se sacrifie pleinement. Alléluia. Mais tu peux avoir toute la volonté du monde. Tu veux faire ton meilleur, tu veux donner le meilleur de toi. Mais s'il y a un obstacle, ça va t'empêcher si tu ne persévères pas, si tu n'insistes pas. Alléluia. Amen. Are you there? So we'll start by looking at Genèse 3, verset 13. Amen. Genèse 3, verset 13. Et l'Éternel dit, Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Alléluia. La première chose qui essaye d'empêcher la dame ou la femme de se donner pleinement ou d'avancer avec le Seigneur, c'est la séduction. La séduction. Nous devons surmonter beaucoup de choses, mais la femme est beaucoup plus susceptible à la tromperie et à la séduction. Parce que quand elle croit de tout son cœur. Amen. Voilà pourquoi une femme peut tomber amoureuse d'un homme marié et elle dira qu'elle ne savait pas qu'il était marié. Et tout le monde autour d'elle lui dira, il est marié. Elle ne va pas le croire. Pourquoi? Parce que l'homme a dit, je ne suis pas marié. J'ai une amie, pas une amie, how do I say it even? Ignorante. Elle a fait l'université, elle est diplômée, instruite. Elle travaillait pour les Nations Unies. Amen. Elle était vraiment intelligente. Mais elle est tombée amoureuse d'un homme. Tout le monde autour d'elle lui disait que cet homme est marié. Ils se sont rencontrés en mission. Tu sais, quand tu travailles pour les Nations Unies, on peut t'envoyer dans les pays. Donc, elle était au Congo. En mission, en train de travailler dur pour les Nations Unies. Et elle rencontre un monsieur. Dites un monsieur. C'était un médecin qui travaillait aussi pour... Il était dans l'armée ghanéenne en tant que médecin. Donc, il était aussi... Johnny Waskarachi. Il était aussi en mission. Donc, ils se sont rencontrés. Et, bon, les deux gagnaient. Oh, Ghana, tu viens du Ghana, oh, je viens du Ghana. On est ensemble. Ils s'entendaient bien. Petit à petit, les choses commencent. Petite flamme commence à brûler. Et les gens autour d'elle disaient, non, cet homme, il est marié. Ah bon? Mais il me dit qu'il n'est pas marié. Non, il est marié. Oh non, il m'a expliqué. Il dit qu'il a eu un enfant avec une femme et elles ne sont pas mariées. Nous, on sait qu'ils sont mariés, ils vivent ensemble. Non. Ils ne sont pas mariés. Et ils ont deux enfants ensemble. Non. Il m'a dit, une femme, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Et puis, cette dame la garde, mais ce n'est pas son enfant à elle. Il a seulement un enfant avec cette... Ils ont tout expliqué. Cette femme a refusé de croire. Finalement, vous savez ce qui s'est passé? Elle a épousé cet homme. Malgré les conseils de tout le monde qui connaissait cet homme depuis le Ghana, elle a épousé l'homme. Ce n'était même pas un an après quand elle m'appelle en larmes. Oh, ce qu'il disait était vrai. Il était marié. Je ne savais pas. J'ai dit, ah, mais les gens t'ont dit qu'il était marié. Tu as refusé de croire. Tu as refusé de voir les signes. Et les enfants, les deux enfants étaient bien pour lui et cette femme qui était son épouse. Bien et belle, elle a été trompée. Complètement. Et elle a cru. What a shock. Donc, peu importe ton niveau ou ton niveau d'intelligence, d'instruction, peu importe, tu es susceptible à la séduction et à la tromperie. Il faut être conscient de ce fait. Dire non, ça, nous sommes les femmes du millénaire, nous sommes les femmes du 21e siècle, et ce que nos mères faisaient, nous on ne fait pas, parce que nous sommes vraiment, nous sommes, vous êtes quoi? Vous êtes susceptibles à la séduction. Alléluia. Amen. 1 Timothée 2, 11. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, les femmes, hein, il faut qu'elles soient soumises et elles ne soient pas dans des positions de leadership. C'est à cause de ça. Parce que nous sommes facilement trompés et séduits. Amen. Voilà pourquoi il y a une controverse. Dans l'église, par rapport à la femme et le leadership d'une femme. Amen. 2:11. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme. Amen. C'est la femme. Dis à la femme la plus proche, dis, tu as entendu, hein? C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Forgive. Amen. Tu es triste. Oh, Ève. À cause de toi. Yeah. Hallelujah. C'est dans la Bible, on ne peut pas fuir. Voilà pourquoi dans cette église, il n'y a aucune femme qui est chef d'église. Nous sommes toutes soumises à l'autorité. Toutes. Toutes. Et si j'enseigne, c'est parce qu'on m'a ordonné ou on m'a commissionné. On m'a envoyé. Je n'enseigne pas sous mon propre autorité. Je suis couverte par l'autorité d'un homme. Hallelujah. Amen. Et si j'enseigne, j'enseigne ce qu'on me demande d'enseigner. Hallelujah. Amen. Donc si vous avez un problème avec ça, ce n'est pas de ma faute. Hallelujah. Et je ne peux rien changer pour toi. Amen. Je suis soumise. Je suis couverte. Amen. Et j'enseigne sous l'autorité. Amen. Yes. Mais je comprends l'apôtre Paul. Yeah. Parce que nous les femmes, peu importe ce qu'on nous dise, si le cœur est parti, le cœur est parti. It's gone. Yeah. On ne voit pas ce que les autres voient. On n'entend pas ce que les autres entendent. On ne reçoit pas ce que les autres reçoivent. Yeah. Parce que le cœur est parti. What a shock. Et c'est parti parce que nous sommes facilement séduites et trompées. C'est un obstacle que vous devez surmonter si vous voulez avancer avec Dieu. Amen. Amen. Il y a très peu de femmes qui seront prêtes à se priver d'une relation juste pour le service de Dieu. S'il y a un choix, c'est là où beaucoup de femmes tombent. S'il y a une décision à prendre entre lui et le service de Dieu, yeah. Amen. C'est un grand obstacle. Amen. Are you with me? Et est-ce que vous me croyez? Et est-ce que vous croyez ce que la parole dit? Amen. Il faut accepter avec humilité que nous sommes facilement trompés. Nous sommes susceptibles. Amen. Naïves. Amen. Donc si on ne garde pas les yeux ouverts, nous serons facilement emportés par nos émotions. Amen. Alléluia. Soyons vigilantes, les sœurs. Alléluia. Deuxième entrave ou obstacle, c'est l'inimitié. Ou l'inimitié, is it l'inimitié de Satan pour les femmes. Satan est, il déteste les femmes. Amen. Et son objectif, c'est de nous détruire. Hallelujah. Amen. Et la parole de Dieu nous révèle ça en Genèse 3:15. Genèse 3:15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ça, c'est la relation que nous avons avec Satan. Amen. Et c'est pour la vie. Une relation opposée, si vous voulez. La Bible dit, c'est l'inimitié, l'opposition, la haine entre lui et nous, notre postérité et sa postérité. Amen. Nous, notre devoir ou notre objectif ou notre désir ou notre objectif doit être d'écraser, de détruire Satan. Et lui aussi, il veut nous détruire. C'est réciproque. Alléluia. Mais lorsque vous commencez à donner une audience à Satan, il va profiter. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut résister. Il faut fuir. Amen. Il ne faut pas négocier. Il ne faut pas raisonner avec Satan. Ni les représentants de Satan. Les envoyés spéciaux. Amen. Résistez. Tout ce qui essaie de vous opposer, essaie d'opposer votre service de Dieu, il faut résister. Alléluia. Parce que l'objectif de Satan, c'était d'amener une séparation entre Dieu et l'homme ou la femme. Amen. Tout ce qui essaie d'amener une séparation entre toi et Dieu, il faut résister. Alléluia. Ce sont des envoyés. Amen. Envoyé spécial. Amen. C'est une réalité que nous ne pouvons pas ignorer. Et c'est un obstacle, un grand obstacle que nous devons surmonter si on veut avancer avec Dieu. Amen. Alléluia. Numéro 3. Il y a une malédiction. C'est un obstacle que nous devons surmonter, une malédiction. Et cette malédiction, c'est de désirer un mari qui nous dominera. Nous devons surmonter tous ces obstacles si nous voulons servir Dieu, si nous voulons avancer, nous voulons atteindre l'objectif. Amen. Alléluia. Si vous ne reconnaissez pas ces obstacles, vous allez tomber. Amen. Si vous pensez que vous êtes à égalité avec les hommes dans le service de Dieu, vous vous trompez. C'est vrai qu'il y a un obstacle général qui est l'ennemi, oui. Mais à part cela, il y a encore des détails. Des détails bien plus précis contre la femme, dont nous devons être conscients pour nous battre. Amen. Afin de survivre. Premier obstacle, c'est quoi? La séduction. Notre susceptibilité à la séduction. Notre naïveté. Cette capacité de croire à tout prix. Parce que le cœur est parti. Alléluia. Deuxièmement, l'inimitié entre nous et Satan, le diable. Précisément contre nous. Il y a une opposition en général contre l'être humain, mais il y a une plus spécifique contre la femme. Alléluia. Troisièmement, la malédiction. Et 3:16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Ça, c'est la malédiction. Amen. Dis, oh, mais le mariage n'est pas une malédiction. Non. Mais ce désir d'être marié, c'est une malédiction. Un désir ardent. Le feu qui brûle. Même si tu as grandi dans un foyer où tu as vu ta mère souffrir. Tu voyais ton père taper ta mère. Tu as vu comment ta mère a souffert dans le mariage. Ton désir, c'est de te marier, d'avoir un mari pour toi. Et tu crois de tout ton cœur que ton mariage sera un mariage idéal, comme dans les romans, dans les films. Sans ta page. Ta page nocturne. Alléluia. Ça, c'est ton désir d'avoir un mari. Voilà pourquoi tu vois des femmes dans une relation turbulente. Mais sa prière, c'est que cet homme change et la prenne comme épouse. Toute femme a confiance. Elle se dit, je peux le changer. Il me tape maintenant parce qu'on n'est pas mariés. Mais quand on va se marier, il verra combien je l'aime. Il va changer. Ça arrive aux autres. Pour moi, ça ne va jamais arriver. Wow. Are you listening to me? La racine de ce désir, ça remonte et ça date depuis. C'est pas de hier, ni de maintenant. Amen. La racine, c'est une malédiction. Et peu importe ce qu'on nous dit, on va toujours désirer. On ne peut rien contre ça. Amen. Et Dieu merci, il y a des très bons mariages. Très bons mariages chrétiens. Amen. Mais le désir de se marier, le désir de se marier peut devenir un obstacle dans notre service de Dieu. Amen. Dans notre relation avec Dieu. Alléluia. Amen. Ladies, are you there? Yeah. Elles sont là. Le désir peut nous aveugler au point où on ne voit plus rien. On n'entend plus rien. Tout le monde se trompe. C'est moi qui suis correct. C'est moi qui ai raison. Tout le monde ne voit pas ce que moi je vois. Il est bien. Vous ne voyez pas ce que je vois. Il est gentil. Il est doux. Il est romantique. Johnny Waskarach. Wow. C'est pas facile. Amen. De se battre contre une malédiction qui vient de Dieu. Ce n'est pas une malédiction qui vient des hommes, mais Dieu lui-même. Comment est-ce que tu peux surmonter ça? Ah, comment est-ce que tu peux enlever ça? Si tu es conscient du fait que c'est une malédiction, tu seras plus vigilante. Amen. Dans ce désir. Plus vigilant, plus conscient, et vous ferez très attention que ce désir ne vous empêche de servir Dieu. Ce n'est pas mauvais de vouloir se marier, mais il y a un certain désir. Si tu dépasses, si tu insistes, ça devient une malédiction. Tu es obsédé maintenant. Tu ne discernes plus ce qui est bien, ce qui est mauvais. Tu es prêt à prendre tout ce qui bouge en pantalon. Critère numéro un, c'est un homme. Deuxième critère, il me prête de l'attention. Il prête de l'attention. It's all, that's all I want. C'est tout. Deux seulement. C'est pas compliqué. Yeah. Voilà pourquoi tu peux être en relation avec quelqu'un. Tout le monde sait que c'est pas bon. C'est pas lui qui te faut. Mais tu ne verras pas. Tu ne verras pas ce que les autres voient. C'est pas mauvais de vouloir se marier. C'est une bonne chose. Amen. Parce que Dieu a dit, Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va épouser qui? Donc, c'est bon de se marier. Mais ce désir qui vous prenne la tête, au point où vous ne réfléchissez plus, vous ne voyez plus, vous ne respirez plus, vous ne mangez plus, vous ne dormez plus. C'est ça qui montre que c'est une malédiction. Tu n'es plus toi-même. Tu as perdu la tête. Voilà pourquoi j'ai dit, il ne faut pas tomber amoureux de quelqu'un, mais plutôt marcher dans l'amour. Quand vous marchez, vous pouvez voir à gauche, à droite, en haut, en bas. Amen. Quand vous marchez, vous pouvez voir. Mais vous, quand vous êtes tombé, vous êtes par terre, terrassé. Yeah! Are you listening to me? Écoutez le message. Hein? Amen. Terrassé! Irene! Marche dans l'amour. Faut pas tomber. Faut pas tomber. Tomber là, c'est pas bon. Amen. Il y a des gens qui m'écoutent, mais ils ne m'écoutent pas. I can see. Parce que le désir, I tell you, it's gone. Elle m'écoute, hein. Elle entend les mots, mais elle n'entend pas le message. Elle voit ça, elle dit, oh oui, oui, oui, c'est vrai, mais aux autres, mais pas moi. Vous êtes là, je sais que tu es là. Mon cas est différent, yeah. Tu es là, je sais. Yeah. Le salut est personnel. Yeah. Tout le monde est différent. Moi, je connais la relation que j'ai avec mon homme, mon gars, mon mec, mon Joe. Je connais. Nous, c'est différent. C'est différent. C'est une malédiction. Yeah. Le signe que tu sauras que c'est une malédiction, c'est que tu n'entends plus rien. Tu ne vois plus rien. Tu ne vois pas ce que les autres voient. Je ne sais pas pourquoi les gens critiquent. Il est tellement gentil. Je ne sais pas pourquoi ils sont contre nous. Ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Ils ne comprennent pas la relation que j'ai avec lui. Voilà pourquoi tu peux avoir une femme qui va en prison, visiter un homme qui est en prison, et elle va tomber amoureuse de lui, et elle va l'épouser en prison. Il y a des cas comme ça. J'ai suivi une émission aux États-Unis où la femme correspondait, elle écrivait des lettres avec des prisonniers. C'est un ministère ou je ne sais pas quoi, un ONG, juste pour qu'ils aient de l'espoir, quelqu'un de l'extérieur qui prend soin, à qui parler. Donc, au fur et à mesure qu'ils échangeaient des lettres, elles trouvent qu'elles ont des choses en commun. Elles ont des choses en commun. On dirait qu'il est très sympa. Tu sais, tous les prisonniers sont innocents, n'est-ce pas? Et un jour, elle a décidé d'aller lui rendre visite. Elle rend visite, commence à visiter, visitation. C'est ça. The chemistry is working. You know, la chimie. Le feu. Whatever. Le courant passait. Thank you. Finalement, ils se sont décidés de se marier. Donc, ils se décident de se marier. Et puis, les autorités de la prison accepte, il se marie, lui il est derrière les barres, elle est derrière, ils se marient, ils échangent les bagues, et puis c'est fini. Il ne peut pas coucher avec sa femme, oui, parce qu'il est en prison. Et si elle entrait avec un couteau ou un... Mais elle est amoureuse, maintenant elle est femme mariée. Peu importe le fait que... Hein, c'est un niveau de foi. Ça, c'est le désir d'une femme de se marier. Elle ne pourra pas accepter le conseil de sa famille, avertissement de sa famille, rien. Ça, c'est l'histoire de la femme. Amen. Et c'est un obstacle que nous, les chrétiens, nous devons, aussi à laquelle nous devons faire face. Si on ne fait pas attention, surtout quand on avance un peu en âge, c'est là où les gardes baissent un peu, on devient un peu plus faible par rapport à ce désir, on devient un peu plus susceptible à ces choses. Quand on avance en âge, on dit, ah, si Dieu n'agit pas vite, quelque chose de terrible va arriver. Date d'expiration. Personne ne voudra encore. Qu'est-ce que je vais faire? Faut que j'aide Dieu. Si Dieu n'agit pas, je vais devoir faire quelque chose. Hier, au programme, au moment de questions-réponses, c'est intéressant de savoir que les femmes évoluent au point où elles n'hésitent plus à maintenant draguer les hommes. Une question, c'est comment est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire pour attirer les hommes? Comment est-ce que je peux faire pour que l'homme que j'aime me prête attention? Pour me faire remarquer, I think was the question. Wow. Dans notre temps, c'était presque interdit. Même si tu pensais ça, tu ne mettais pas ça à haute voix. At all. Tu seras vu vraiment d'une manière bizarre. On dit, ah, oh, mais ça, c'est quel genre de femme? Elle court après l'homme. C'est elle qui a proposé. Oh! Abomination! Mais aujourd'hui, vous ne savez même pas de quoi je parle. Dis, oh, mais c'est normal. Si tu vois un homme, tu apprécies. Pourquoi pas lui montrer que, brother, look my way. There's a song like that. If you're looking for somebody to love you, look my way, look my... Uh-huh. Why don't you look my way? Lady Pastor nous racontait l'histoire d'une femme qui était en relation avec quelqu'un et sa meilleure amie, quand la femme s'est séparée avec le monsieur, sa meilleure amie est partie chercher le monsieur. Oh, ils ont fini par sortir ensemble. Et elle ne voyait pas le mal. Elle disait, mais c'est elle qui ne veut plus. Si elle ne veut plus et moi je veux, où est le mal? Mais c'est ta meilleure copine. Elle te partageait tout le secret, elle te disait tout. Tu dis oui, mais c'est elle qui ne veut plus. C'est pas moi qui ai détruit leur relation. Elle ne voyait pas que c'était ethics. It wasn't nice. Elle ne voyait pas le mal. Et beaucoup d'entre vous, vous ne voyez pas le mal non plus. Donc, ils ont sorti ensemble et qu'est-ce qui se passe? Le monsieur a fini par retourner à la première beloved. Il a quitté la meilleure amie pour retourner à l'original. Et la meilleure amie, elle était bouleversée. Elle est partie voir la première dame. Dit, oh, pourquoi? C'est pas... Et puis la première dame a dit, oh, mais tu as oublié. C'est, oh non, c'est pas la même chose. C'est ce qu'elle a dit. C'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Il a laissé l'autre, il est venu avec toi. Maintenant, il t'a laissé pour repartir. Où est le problème? Premier amour. Où est le problème? Quand il s'agit de toi, il n'y a pas de problème, tu peux le faire. Mais quand ça t'arrive à toi, ça devient un problème. Why? C'est parce que la malédiction a pris contrôle. Tu as perdu. Amen. Tu es tombé devant l'obstacle. Hallelujah. Amen. Ok. Number one is what? Numéro un. La séduction Amen. Nous sommes susceptibles à la séduction. Deuxième obstacle, l'unité entre nous et Satan. Troisième obstacle, une malédiction. Ça là, je ne sais pas quelle est la solution pour la malédiction. C'est juste prier, demander Dieu la grâce. Amen. Quatrième entrave se trouve dans ce même verset. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Multiplication de souffrance. Multiplication de souffrance. De la grossesse et tout ce qui concerne la grossesse. Alléluia. Ça fait partie de la malédiction. Une multiplication de souffrance. La femme souffre. Voilà pourquoi tu peux partir à l'hôpital. Il n'y a pas un département seulement pour les hommes. Mais il y a un département seulement pour les femmes. Département de gynécologie. Seulement pour la femme et les problèmes de femmes. Waouh! Les souffrances sont multipliées. À part les conditions médicales générales, où tu peux aller dans les autres blocs, les autres départements, il y a encore un département réservé pour toi. Spécialiste. Il y a des gens qui vont à l'école seulement pour la femme. Yeah. Souffrances multipliées. Si tu vois une femme qui a des règles douloureuses, tu vas comprendre ce que c'est la souffrance. Ce matin, mon mari me réveille vers 3 heures, il dit, « Ah, j'ai mal. » Je le regarde, je dis, « Tu as mal. » Tu ne sais pas ce que c'est le mal. Tu ne comprends pas ce mot. C'est quoi? Il dit, on dirait que c'est un nerf qui tire. J'ai dit, I see. Quand une femme a des règles douloureuses, vous ne pouvez pas imaginer, je ne peux même pas décrire. Quand une femme va accoucher, et on dit, c'est les règles douloureuses multipliées fois, je ne sais pas combien de fois. Même celle qui a les règles douloureuses ne peut pas comprendre le mal que tu as quand tu vas accoucher. It is indescribable. What's that song? Indescribable. No. How do you sing it in French? Have we got it in French yet? Hey, indescribable. Tu ne peux pas le décrire. Souffrance. Tu as déjà souffert dans la vie. Un peu seulement, hein. Il faut multiplier. Toi, tu as souffert. Un peu aussi. Un peu beaucoup. Multiplie. Are you sure? On dit, hey, tu connais Dadaba. Souffrance dedans. Multiplie ça. Multiplication. Multiplication. Tu n'arrives pas à vous tenir debout. Tu ne peux pas te coucher. Tu ne peux pas te tourner. Tu vas vomir. Tu n'as pas envie de vomir. Tu as envie de vomir. Tu n'as pas... Hey! I can't even describe it. Multiplication de souffrance. Thank God you are not a woman. Yeah. C'est multiplication dans la grossesse. Tu tombes enceinte les 3 premiers mois. Hey! Quand quelqu'un passe devant toi, quand tu vois rouge, quand tu entends un bruit, quand tu te réveilles le matin, tu ne sais plus quoi faire. Tu ne peux pas le décrire, tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Jeremy. You cannot explain it. Tu ne peux pas contrôler. Tu ne peux pas changer. Personne ne veut être malade. Personne ne veut souffrir. Mais dans la grossesse, vraiment, tu perds le contrôle complet de ton corps. Souffrance. Tu vas à l'hôpital, ils disent, tu n'as rien, rentre. Et pourtant, quand tu rentres, tu ne peux pas. You don't know whether you should stand, you should sit, you should lie down. You don't know. Wow. Souffrance multipliée. C'est un obstacle. Et si tu succombes, is it a word? Tu cèdes à ce problème, tu ne pourras pas. You cannot, you will not, and tu ne pourras pas servir Dieu. Amen. Tu dois te battre contre toute maladie, toute souffrance pour servir Dieu. Tu ne peux pas dire. Je suis enceinte. Donc tu ne fais plus rien. Non! You must get up in the morning. Tu dois te lever. Tu dois te laver. Tu dois travailler. Tu vas préparer. Oui, tu prépares un peu, tu vas. Tu viens un peu, tu coupes. Tu dois surmonter. Yeah! Donc à cause de ta grossesse, ton mari ne va pas manger. Augmenter la souffrance, c'est même pas multiplier, augmentation de souffrance. Déjà, il y a la souffrance. Augmentation. Yeah. Quand tu vois les films sur les gens qui sont torturés, là, dis, donne-moi le nom d'eux. Il ne dit rien. Tiens, électrique choc. Donne-moi le nom. Il ne donne pas. Augmentation de souffrance. Ah! Il ne donne pas. Ah! Je vais parler. Augmentation de souffrance. Il se dit, je souffre, donc je ne vais plus rien faire. Je ne peux pas évangéliser parce que je souffre. Je ne vais pas travailler parce que je souffre. Comment est-ce que tu pourras avancer avec le Seigneur? Amen. Ah, I didn't even know. There's one right here. A car. Yeah. Yeah. Augmentation, ça c'est le début, oh. C'est ça? Tu n'as rien vu encore. Tu n'as rien vu encore. Quand tu vas t'allonger, on dit push. Ah. Augmentation de souffrance. Amen. Ton mari, lui, il est tranquille, il est là, il a croisé les. Il bénit le Seigneur, je serai papa bientôt. Oh, praise the Lord. Ah, yes. Ça marche. Père de famille, yeah. Les descendants arrivent. Yeah. Toi, tu vas porter 9 mois. Tu vas doubler en taille. Il faut changer tout le garde-robe. Toi là. Souffrance multipliée. Amen. Augmentation de souffrance. Alléluia. Yeah. Le prix est élevé, mais nous sommes prêtes à payer le prix. Amen. Tu vas tomber enceinte, by all means. Il faut que j'aie un enfant. Il faut que j'aie un. Même, c'était Rachel dans la Bible. Dit, non, was it Rachel? Donne-moi un enfant, sinon, j'ai mouru. Donne-moi. donne-moi un enfant. Il dit, hé, mais suis-je Dieu? Je ne suis pas Dieu. Ah non, je vais trouver un moyen by all means. J'ai 35 ans. 32 ans. Je n'ai pas d'enfant. Non. Non, non, non, non, non. Dieu, tu es en retard. Tu as besoin d'aide. There must be. There must be a way. À tout prix. Ça fait partie. Même si je parle de la souffrance de l'accouchement, we want to go through it. Même si je dis que le mariage est dur et difficile, we want to marry. On veut voir pour nous-mêmes. Quelqu'un a envoyé un message à la première dame. Il dit, ah, mais tu nous as trompés. Il dit, ah, trompé comment? Tu ne nous as pas vraiment dit combien le mariage est difficile. Il dit, oh, comment est-ce qu'on peut décrire? Comment est-ce qu'on peut expliquer? How else do you describe it? Apart from difficult. L'accouchement est douloureux. Ah, tu n'as pas dit... Quel autre mot utiliser à part douleur et souffrance? Peine. Quel autre mot encore? Yeah. Mais on veut passer par nous-mêmes. Parce que pour nous, ça fait différent. Wow. What a shock. Amen. J'ai la foi. Pour moi, ça serait différent. Praise the Lord. We thank God. We thank the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Cinquième obstacle, c'est une nature immorale. La nature, la chair. Hallelujah. La carnalité. Romains 8, 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair. Nous sommes affectés par la chair. Amen. Ça peut être dans le cas des hommes aussi. Mais les femmes sont beaucoup plus charnelles que les hommes. Yeah. Si je vous demande combien de temps tu prends le matin pour te préparer, pour quitter la maison, combien de minutes est-ce que tu passes sur ton corps physique avant de quitter la maison? Et je pose la même question à un homme. There's no comparison. La chair, nous sommes affectés par la chair. Beaucoup plus soucieuse par rapport à notre apparence. Voilà, tu as une femme plus de 50 ans, je ne sais pas qu'elle cherche, elle va au gym. Pour faire quoi? Perdre du poids. Pour faire quoi? On ne sait pas. We need to. There must be a weight loss. Affectation de la chair. Affection de la chair. Elle est beaucoup plus soucieuse. Un homme, quand il commence à dire, ah, ça c'est la belle vie. Ma femme prend soin de moi. Un homme va, tu vas voir le ventre grossir comme ça, mais il va dire que sa femme, regarde, elle s'est laissée aller. Et toi, what about you? Regarde comment elle se laisse aller. Comment est-ce qu'elle. Et toi? Hallelujah. Amen. I want to end now. Sixième obstacle, c'est la faiblesse. La Bible dit que nous sommes le sexe plus faible, n'est-ce pas? 1 Pierre 3, verset 7. 1 Pierre 3. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. comme avec un sexe plus faible. Amen. Soulignez ça dans votre Bible. Marie, est-ce qu'il y a un mari dans cette maison? Montrez à votre tour de la sagesse. Sagesse. Dans vos rapports avec vos femmes. Ce n'est pas la force. Ce n'est pas par les commandes ni les instructions. Ce n'est pas par votre force physique, votre insistance sur le haussement de votre ton. C'est par la sagesse que tu vas réussir. Amen. Dans les rapports avec votre femme. Amen. La sagesse. Ce n'est pas par l'insistance. Je suis l'homme. Il faut te soumettre. Il faut te soumettre. Cher. Non, c'est par la sagesse. Il faut savoir quand parler doucement, quand parler avec fermeté, quand ne pas parler, quand seulement écouter. C'est la sagesse. Yeah. C'est pas juste parce que tu es l'homme que tout va se mettre en ordre. Si tu n'es pas sage, tu auras un mariage difficile. Amen. Yeah. Pourquoi? Parce que la Bible dit, comme avec un sexe plus faible. La sagesse pour traiter avec la femme. Amen. Et dans l'histoire aussi de la femme, nous devons surmonter cette étiquette qui a été mise sur nous. Nous sommes le sexe plus faible, donc on ne peut rien faire pour nous-mêmes. Avant de te marier, tu allais changer le gaz pour cuisiner. Après le mariage, tu ne sais plus comment enlever la tête de la bouteille de gaz. Tu ne sais plus comment changer l'ampoule. Tu es devenu helpless. What is helpless in French? Inutile, non, helpless, sans aide, sans défense. Oh, pauvre de moi, il ne veut pas m'aider à la maison. Mais avant de te marier, tu faisais tout seul. Donc s'il ne t'aide pas, c'est pas la fin du monde. Lève-toi et fais. Amen. Tout ce que tu dois dire, Lady Pastor. Donc les hommes seront très relax à la maison, c'est pas juste. Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit, si il ne fait pas, fais. Si il ne fait pas, si lui, il n'a pas le sens de reconnaître sa responsabilité, il n'a pas le common sense, l'intelligence de réfléchir que ma femme doit être fatiguée. Et il ne sait pas que je dois aider. Elle prépare pour nous deux. Donc, ça serait gentil de ma part de l'aider. Si lui, il n'a pas cette intelligence. Lève-toi et fais pour toi. Amen. Yeah. Pas la fin du monde. Ton mari sait que c'est lui l'homme. Il sait que toi, c'est le sexe faible. Normalement, quand quelque chose pèse, il doit porter. Mais s'il ne pèse, il ne porte pas. My dear, ce n'est pas la fin du monde. Tu veux ranger la chambre, tu veux réaménager. Tu as parlé depuis. Non, ce n'est pas grave. Cherche une amie, vous allez faire ça. Quand il va venir, oh, tu as fait, je voulais t'aider. Oui, merci, je l'ai fait. Et puis tu as la paix. Amen. Si eux, ils ne peuvent pas obéir à la parole, ils ne peuvent pas recevoir la parole et savoir que il doit agir avec sagesse. Tu peux parler une fois, deux fois. Après, c'est fini. Fais. Amen. Surmonte cet obstacle de faiblesse et fais quelque chose pour toi. Amen. Tu es là, il dit, oh, il me donne rien à manger. Toi, tu sais comment faire le samosa. Fais le samosa et vends. Tu sais comment faire les gâteaux. Fais. Les biscuits, fais. Bissap, fais. Il dit, oh, je suis là. Oh, mon mari est parti, il n'a rien amené. Mais toi, tu n'as pas 10 doigts. Tu n'as pas 2 mains. Tu n'as pas une tête sur tes épaules. Tu ne peux pas réfléchir. Fais quelque chose. Oh, mon mari dit qu'il ne faut pas que je travaille, il veut que je sois à la maison. Ah, c'est ça. Be wise. Il dit qu'il a assez d'argent, il va prendre soin de moi. Ok. Quand il te donne 100 000 CFA, tu payes ta dîme, tu gardes une partie et puis tu utilises le reste. Sagesse. Yeah. Yeah. Tu dis, oh non, mon mari va me donner. Mon mari va me donner. Mon mari va me donner. Ok. Be there. Be there. Yeah. Dans ta faiblesse, tu peux te faire quelque chose pour toi. Amen. Tu n'es pas aussi inutile que tu crois. Si il n'est pas là, je ne sais pas ce que je deviendrai. Don't let me come and slap you. Il m'a laissé, je ne sais pas, je veux mourir. Tu veux mourir? Attends, je viens te tuer moi-même. Avant de te tuer, je vais te gifler d'abord. What do you mean? What do you mean? Surmonte cette faiblesse. Tu as cette image de toi-même, je ne peux rien faire. Il m'a laissé. Tu sais ce que tu dois faire? Bon débarras. Bon débarras. Tu ne mérites pas mon amour. Tu ne mérites pas mon amour. Tu te prends pour qui? Va-t'en. Hein? Tu t'avais parlé de la dame qui a perdu son petit ami à sa meilleure amie. Si elle faisait la jalouse courir après lui, tu penses qu'il serait revenu? Oh, c'est ok. You don't want me? Go. Va. Voilà, regarde si ce que tu vas trouver est meilleur. Tiens. Dans ta faiblesse, oui, c'est vrai, tu es plus faible que l'homme, c'est vrai. Mais tu n'es pas inutile. Tu n'es pas aussi sans défense que tu crois. Tu peux te lever et faire quelque chose pour toi. Amen. Arrête de faire des hommes votre Dieu. Votre tout. S'il part, qu'est-ce que je vais faire? S'il part, s'il n'est pas avec moi, oh, qu'est-ce que... Don't let me talk! Amen. Dis à la sœur la plus proche, what do you mean? Amen. Hallelujah. La faiblesse des émotions. S'il crie sur toi, tu pleures. S'il ne rentre pas tôt, tu pleures. S'il doit travailler, tu ne peux pas sortir sans lui. Récemment, j'ai eu à me plaindre et à confronter une dame. J'ai demandé, mais où tu étais? Elle dit, ah, oh, j'avais plus envie de venir. J'ai dit, hey, my friend, don't be silly. Tu n'avais plus envie de venir, pourquoi? I don't want to give you too many details because you know who I'm talking about. Amen. Mais l'histoire, c'est que elle attendait faire quelque chose avec quelqu'un, la personne n'était pas là. Donc, la personne n'était pas là et n'avait plus envie de faire ce qu'elle devait faire. Why? Why? It makes sense to me. Voilà pourquoi certaines personnes croient que je suis colérique. Je ne suis pas colérique. C'est juste qu'il y a certaines choses qui ne... One plus one is two. It's not three. It's not four. It's two. Yeah. Moi, mes émotions ne peuvent pas dépendre d'un être humain. Je suis mariée et toute personne mariée sait que la vie n'est pas facile. Ce n'est pas toujours facile. Il y a toujours des malentendus parce que c'est deux êtres humains. Amen. Et quand les choses sont un peu turbulentes à la maison, ça ne touche pas, ça n'affecte pas mon appétit. Je mange. Je mange très bien. Ça ne touche pas ni affecte pas mon sommeil. Je dors et je dors très bien. Ça n'affecte pas mon ministère. J'exerce et je continue. Vous ne saurez pas si ce matin j'ai eu un problème avec moi. Ça ne peut pas affecter. Je dois surmonter cette faiblesse émotionnelle qui est normale chez la femme. Par la grâce de Dieu, je n'ai jamais eu à dire que je ne peux pas manger parce que mon mari n'a pas apprécié la structure. Il n'a pas dit que je suis belle. Hey! Hey! Chaboy! Chaboy! Hey! Le jour où je me suis tressée, il n'a même pas vu. Ça n'a pas affecté mon humeur pas même une seule seconde. Même pas, non. Oui! Moi, je sais que ça me va. Quand je regarde dans le mur, je dis, ok, oui. Oh. Oui! Avant de me marier, est-ce que je ne pouvais pas apprécier moi-même ce que je voyais dans le miroir? Mais c'est maintenant que je vais changer. Non. Tu dis que tu es fâché contre moi, donc je ne mange pas. Oh. Non. En tout cas, pas moi. Quelqu'un d'autre. Moi, je vais manger. Mon appétit ne change pas. Ah. Tu ne m'adresses pas la parole parce que j'étais énervée. I can't even whistle. Je pars, je fais ce que j'ai à faire. Oh, I wish I could whistle. C'est le jour où je vais chanter à la maison. Je chante. Quand je prépare, Jesus, lover of my soul. Jesus, I will never what? That's when I will sing. Parce qu'il n'y a personne pour parler avec moi. Oh, Jésus est là. Et puis quand je commence à parler, did you say something? So, oh, no, I'm just singing. Hallelujah. Yeah. Oh, sit down. Tu disais quelque chose? Oh, non. Je chantais seulement. Happy yourself. Dis à la sœur la plus proche. Happy yourself. Hallelujah. Amen. Et la dernière chose à laquelle nous devons faire face, dernier obstacle, c'est la rudesse des hommes. Amen. Hallelujah. Faut pas attendre que tous les hommes soient gentils avec toi. Amen. L'être humain est en général méchant. Donc si tu vas attendre qu'un homme arrive avant que tu... Beaucoup de femmes pensent qu'elles ne sont pas complètes si elles ne sont pas mariées. C'est faux. Voilà pourquoi quand il y a un malentendu dans le mariage, elles se sentent perdues, elles se sentent sans espoir. Ce n'est pas vrai. Avant de te marier, tu étais une femme complète. Fait à l'image de Dieu, créé à son image. Tout ce dont tu avais besoin, tu as reçu. Si un homme vient C'est pour compléter, et c'est pour, what's the word? Bénir. C'est pour améliorer, ou c'est juste un plus. Tu es déjà complète. C'est juste un plus. C'est comme un gâteau. Tu peux avoir un gâteau qui est un gâteau simple. C'est déjà un gâteau. Mais si tu mets le icing, la crème dessus, c'est juste un plus. Et après, si tu fais des décorations, c'est juste un plus. Le gâteau est déjà prêt. Tu peux déjà manger le gâteau. Donc la crème, c'est juste pour décorer. La crème, c'est juste pour ajouter quelque chose. Mais sinon, le gâteau est prêt. Tu peux manger. Tu peux faire ton thé, boire avec un morceau de... Tu seras bien. Mais s'il y a la crème, ok. S'il n'y a pas la crème, ok. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas attendre. Oh, je suis un gâteau sans crème. Personne ne va me manger. My dear. God created you in His image. Tu es une créature si merveilleuse. Regarde-toi dans la miroir de la parole. La glace de la parole. La parole de Dieu est capable de te donner l'image complète de toi-même. C'est la parole de Dieu qui va te montrer qui tu es. Ce n'est pas une bague. C'est pas ça. Ton identité n'est pas dans une bague. Ton identité n'est pas dans les paroles d'un homme. Aujourd'hui, il te dit que tu es belle. Donc, tu peux flotter. Mais le jour où il ne va pas te dire que tu es belle, tu ne peux pas te réveiller le matin. Tu ne veux même pas tirer le rideau, voir le soleil. My dear, tu vas regarder la vie te passer comme ça. Parce que tu attends l'approbation d'un homme. Dieu t'a déjà approuvé. Dieu dit déjà qu'il t'aime. Hallelujah. Dieu dit déjà que rien ne te séparera de son amour. Hallelujah. Il n'y a pas de plus grand amour que l'amour de Dieu. Amen. Surmonte les obstacles. Avance dans ta relation avec Dieu et tu seras béni. Au nom de Jésus, lève-toi. Amen. Hallelujah. Let us pray. Oh, I wanted to stop early today. Commence à bénir le nom du Seigneur. Si tu es une femme aujourd'hui, parle à Dieu. Dis-lui merci de t'avoir créé une femme. Dis merci. Que malgré les obstacles, tu as toujours un moyen de t'échapper, un moyen de survivre. Si tu es un homme, remercie Dieu pour toutes les femmes que tu as dans ta vie. Remercie Dieu pour ta mère, tes sœurs, ta femme, toutes les femmes que tu as dans ta vie. Prie pour elles. Dis Seigneur, bénis-les pour voir leurs besoins. Aide-les à surmonter les obstacles, les difficultés de la femme. Seigneur, bénis les femmes. Fortifie-les, Seigneur. Protège-les. Celles qui sont faibles, fortifie-les. Celles qui sont découragées, Seigneur, encourage-les. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton amour. Merci pour la force que nous avons, Seigneur. En ta parole. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te remercions pour ton amour. J'aimerais prier pour toi ce matin si tu es là et tu ne connais pas Jésus-Christ personnellement. Tu peux être un homme, une femme, un enfant, adulte. Si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas si tu iras au ciel ou en enfer. Mon frère, n'attends pas que ça soit trop tard pour accepter le Seigneur dans ta vie. Dieu dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Il suffit de confesser de ta bouche le Seigneur Jésus et de croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et tu seras sauvé. Aujourd'hui, tu veux faire cette prière. Tu veux dire, Lady Pastor, prie pour moi. Je suis pécheur, mais je ne veux pas mourir dans mes péchés. Je veux avoir une relation personnelle avec Dieu. Prie pour moi. Si tu es là comme ça, lève vite la main. Je veux prier pour toi. N'hésite plus. entre deux opinions. N'hésite plus entre ce que tu crois dans ton cœur et ce que les hommes penseront de toi. Aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Tu veux prier, « Seigneur, entre dans mon cœur. Fais de moi une nouvelle créature. Je veux marcher avec toi. Lève seulement la main, je veux prier pour toi. » Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Merci, je vois la main. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Merci, derrière, je vois la main. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Merci. Seigneur, bénis ces gens qui ont levé la main. Bénis-les, Seigneur. Transforme leur vie. Mon frère, ma sœur, derrière, je veux prier pour toi. Est-ce que tu peux me faire plaisir et venir devant pour que je prie pour toi? Viens, viens devant. Je veux prier pour toi. Viens devant, s'il vous plaît. Je veux prier pour toi. Fais-moi plaisir ce matin. Oh, alléluia. Acclamez, acclamez, acclamez. Encouragez-les. Alléluia. God bless you. Que Dieu te bénisse. Merci. Nous allons prier maintenant. Ceux qui sont dans l'assemblée aussi, je veux que vous répétiez après moi. Ceux qui sont devant, ça c'est votre prière personnelle que vous allez faire au Seigneur. Répétez s'il vous plaît. Avec les yeux fermés, Seigneur Jésus-Christ, merci de m'avoir parlé ce matin. Je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour toutes mes erreurs. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te donner ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mon cœur. Fais ce que tu voudras dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je vais te suivre et je vais te servir. Seigneur Jésus, lave-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi de toutes mes erreurs. Aujourd'hui, Seigneur, je veux t'appartenir et je veux te suivre. Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens plus. Je ne te suivrai plus. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon Sauveur. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir accepté ce matin. Fais ce que tu voudras dans ma vie. Seigneur Jésus, s'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ton pardon. Et merci Seigneur pour ton salut. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.